apate kumibariki. Tukuna Nduku Kasongo. Nous avons les frères Kasongo. Pasteur wa makutano yetu ku Lububu. C'est le pasteur de l'assemblée de Lububu. Eti mkumufura kumpokelea na kumsalimia mjina Bwana Yesu Kristo. Bwana mbariki frère. Que le Seigneur vous bénisse frère. Je salue toute la congrégation au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na salimia makutano yote mzima mujina Bwana Yesu Kristo. Les tabernacles partout où je suis passé m'ont chargé de vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Makanisa fazi yote nalipita baniambia nimsalimie mujina Bwana Yesu Kristo. En particulier le pasteur de Kasapa, le frère qui casse, moi aussi chargé de vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Kwa upeke pastori wa Kasapa, pasteur qui casse, ariniambia nimsalimie mujina Bwana Yesu Kristo. Ainsi que le pasteur Luamba de Katanga m'a chargé de vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pamoja na pasteur Luamba wa Katanga. Katanga. Wakukatanga, aniambia ni msalimie mujina Bwana Yesu Kristo. Et aussi recevez une salutation particulière de la part de mon épouse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Kwa upeke mupoke masalamu ya muke wangu mujina Bwana Yesu Kristo. Je remercie le berger de la place pour m'avoir accordé la chair. Namshukuru mchungazi wa pafazi vile ananipatia mimbari. Et que Dieu le bénisse. Na Mungu amubariki. Sans tarder, nous nous mettons debout pour l'étude de la parole. Bila ogawia tutasimama juu usomi wa neno la Mungu. Nous lisons dans Jean chapitre 3 depuis le verset 1er. Tutasoma mu Yohana sura 3 kuanzia mstari ya kwanza. Jean chapitre 3 verset 1er, nous descendons. Yohane sura ya 3 mstari ya kwanza. Nous lisons ce qui suit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tutasoma ifuatayo mjina Bwana Yesu Kristo. Mais il était un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Kulikuwa mtu mmoja katikati ya wafarisayo mkubwa wa Wayuda jina lake Nicodème. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit. Alikuja usiku kwa Yesu na kumwambia. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Bwana, tunajua kwamba wewe ni mwalimu alitokea kwa Mungu, kwani hakuna mtu anaweza kufanya matendo hii unafanya kama Mungu asina pamoja naye. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Kweli, kweli, kweli, kweli, nakwambia, kama mtu asizaliwe mara ya pili, awezi kuona ufalme wa Mungu. Nicodème lui dit, Nicodème akamwambia, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Namna kani mtu anawezi kuzaliwa kama anesha kwa mtu mzee? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Eti, anawezi kurudia mutumbo ya mama yake na kuzaliwa tena? Jésus répondit. Yesu akamjibu. En vérité, je te l'ai dit. Kweli kweli nakwambia. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Kama mtu asizaliwe kwa maji na kwa roho, hawezi kamwe kuingia mfalme wa Mungu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Kilichozaliwa kumwili ni mwili na kilichozaliwa ku roho ni roho. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Usishangae ya vile nakwambia kwamba inapashi muzaliwe mara ya pili. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Pepo ikunavuma na ukunaisikia kelele yayo au jue kwenye natokea na kwenye naenda. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Iko hivyo hivyo na mtu wote mwenye kuzaliwa ku roho. Nicodème lui dit, Nicodème akamwambia, comment cela peut-il se faire? Sasa maneno haya itafanyika namna gani? Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Wewe siku mwalimu wa Israeli, lakini juu ya nini ujue maneno haya? En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Kweli kweli nakwambia tukunasema ile tukunasikia na tunajua inye tukunashuhudia. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Lakini mwe ya mupoke ushuda yetu. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Kama uamini wakati nakwambia bitu ya padunia, namna kani utamini wakati takwambia bitu ya kumbingu? Nous prions. Tutaomba. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, le Seigneur de toute la terre, Bwana wa ulimwengu mzima, je te remercie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nakushukuru mujina Bwana wetu Yesu Kristo, car tu nous as encore accordé la vie aujourd'hui. Kwani unatupatia tena buzima leo. Nous venons de te louer et de chanter tes honneurs. Tunatoka mkuimbia masifa. Mais maintenant que nous venons de lire ces saintes écritures, sasa hivi tunatoka mkusoma ime maandiko takatifu, je te prie toi-même de descendre l'interpréter dans l'âme de chacun de nous. Nakusiwa mwenyewe ushuke na uitafsiri muruga kila mmoja wetu. Car ma parole peut tuer, kwani neno langu inawezi kuua, mais ta parole est celle qui sauve. Lakini neno lako pekee ndio kunaokoa. Ainsi je me recommande entre tes mains, basi naratire mikono yako, espérant que tu mettras quelque chose dans ma bouche, mwenye kutumainia kwamba utaweka kitu fulani mkinywa, et que je me mette à les répéter devant ton peuple. Nipate kuisemununa mbele ya taifa yako. Assiste-moi du début à la fin. Unisaidie tangu mwanzo na mwisho. Car je le demande avec foi dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Kwani naomba na imani mujina adamani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Pouvez vous asseoir. Munawezi kuikala. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Comme nous venons de les lire ici, les lecteurs de la Bible découvrent facilement que nous devons parler de ce sujet. Nous allons parler du sujet. Vous devez naître de nouveau. Je m'intéresserai surtout sur le sujet. Sur l'obligation. Vous devez naître de nouveau. Et encore, je ne prétends pas être la première personne qui en parle devant cette assemblée. Je ne fais que répéter ce qui a été dit. Ici, nous rencontrons, nous voyons la rencontre de deux docteurs. L'un est terrestre, c'est Nicodème. Et l'autre est venu du ciel. Est-il que celui qui était terrestre est venu s'enquérir auprès du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il devrait faire pour avoir la vie éternelle? Que devrait-il faire pour hériter d'entrer dans le royaume de Dieu? Et que, comme nous le savons, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu et manquer la vie éternelle. Donc nous allons parler aussi de la vie éternelle. Or, la vie éternelle est quelque chose de très précieux que personne ne peut l'imaginer. Je vais vous lire un peu une portion ici dans sa prédication intitulée « Quand j'ai réfléchi à mes voies » de 31 décembre 1961. Au paragraphe 8, il est écrit ceci. En effet, avez-vous déjà essayé d'estimer le prix de la vie éternelle? Que pouvez-vous donner en contrepartie de cela? Si l'on me proposait de redevenir un jeune garçon de 18 et de 19 ans, de 20 ans, et d'avoir le monde entier, et vivre 500 ans sans maladie ni vieillesse, plutôt que de vivre une autre, pardon? Plutôt que vivre une autre vie, kuliko kuishi maisha ingine, 10 ans de plus avec toutes sortes d'ennuis, miaka kumi zaidi na ima ngumu yote, mendier ma nourriture, kuomba chakula yangu, être persécuté et mourir à martyr à la fin, kuteseka na kisha kufa mwisho yake, mais avoir la vie éternelle. Alakini kupata uzima milele. J'opterai pour cette dernière possibilité. Mitaitikia hii kipande ya mwisho kupata uzima milele. Quand les 500 ans se seront écoulés, wakati miaka 500 itamalizika, tout sera fini. Yote nayo itamalizika. Mais la vie éternelle ne connaîtra jamais de fin. Alakini uzima milele yayo itamalizika kamwe. Je vivrai dans la présence de Christ pour toujours. Nous ne savons tout simplement pas ce qui est enveloppé dans ce trésor que Dieu nous a donné. La vie éternelle, c'est quelque chose de très précieux. Je suis persuadé que c'est la chose qui nous a fait nous ressembler ici. Si je pouvais le répéter ici, le prophète dit, dit ceci. Nabi anasema hivi. Il nous propose deux choses. Anatuonesha bitu biwili. Vivre 500 ans sur la terre. Kuishi mia tano. Et gagner le monde entier. Na kupata ulimwengu mzima. Sans maladie ni vieillesse. Bila magonjwa wala kuzeeka. Mais après ça, vous mourrez. Alakini kisha ile yote ukufe. Ça c'est la première proposition. Ile ni kitu ya kwanza. En voici la seconde. Sasa kia pili kio hiki. Vivre peut-être 500 ans plus, 10 ans encore en plus. Mais en souffrant, en mendiant la nourriture, et être persécuté, et mourir en martyr. Mais après toutes ces choses, hériter la vie éternelle. Le frère Branham dit, moi j'opterai pour la seconde proposition, vivre éternellement. 500 ans, 1 million d'années, des aïons et des aïons, éternellement alors. Je pense que tout le monde choisira de vivre éternellement. Donc la vie éternelle, c'est quelque chose de très précieux que Dieu nous propose. Oh, on ne peut pas avoir la vie éternelle si on n'est pas né de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Pour gagner un peu du temps, je vais vous lire quelques paragraphes dans sa prédication de 1958. Vous devez être né de nouveau. Je vais lire depuis le paragraphe 11 jusqu'au paragraphe 15. Paragraphe 14. Je vais lire en sautant certaines choses. Je me demande ce matin, alors que nous sommes rassemblés ici, frères et sœurs, vous les ministres et les enseignants de l'école du dimanche, et quoi que vous soyez, qu'est-ce que tout ceci signifie? Pourquoi sommes-nous ici? Et pourquoi ce grand effort? Même en cet après-midi, il se peut qu'il y ait des personnes qui n'ont pas mangé. Il y en a qui sortent encore du travail. Il y en a qui peuvent être malades. Mais ils ont oublié toutes ces difficultés. Ils sont venus ici. Pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi tous ces efforts? C'est parce que nous avons quelque chose que nous espérons avoir. Et chaque soir, j'essaie de dire ceci. Paraît-il que j'essaie à mettre en prise de condamner les organisations? Et j'essaie de condamner ceci, de condamner cela. Je suis un extrémiste. C'est vrai. Et parfois, je vais si loin d'un côté que je perds l'équilibre par rapport à l'autre côté. Mais ce n'est pas mon intention de faire cela. Voici ce que j'essaie de dire. Malgré toutes nos bonnes organisations, tous nos braves hommes et toutes nos braves femmes, cependant, quand nous entrons dans sa présence, je crains que nous ne puissions nous trouver avec des manquements. Et nous n'aimerions pas nous retrouver alors comme cela. Ah, basi, kama tuwezu kutanisha vile kumbi tusisi, mamishwe. Arrangeons cela maintenant. Tuitengeneze apa sasa. Pour hériter le royaume de Dieu, pour avoir la vie éternelle, nous devons arranger nos vies tous les jours. Pas demain, maintenant. Quand vous entendez la voix de Dieu, c'est alors que vous devez arranger tout manquement que vous rencontrez dans votre vie spirituelle. Ne remettons pas cela à demain, car l'homme n'est pas maître de sa de son souffle. Et au paragraphe 12, il dit ceci. Comme un vieil homme de couleur le disait pour moi, il n'y a pas longtemps, dans une réunion, il disait quelque chose de Saint-Jacques. Il disait, j'en ai parlé au Seigneur il y a longtemps. Et je lui ai dit que s'il y avait quelque chose qui clochait à moi, qu'il me laisse arranger cela maintenant, car je n'aimerais pas avoir des ennuis à la rivière. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de rivières sur la terre, mais la rivière dont nous parlons ici, c'est la rivière qu'on appelle la mort. Aussi nombreux que nous sommes ici, tout le monde, nous passerons par là. Mais selon l'entendement de cet homme de couleur, dans sa prière, il ne demandait pas que Dieu lui donne de l'argent, qu'il lui bénisse en ceci ou cela. Sa requête était de demander au Seigneur de l'aider. S'il y a quelque chose qui clochait en lui, afin que le Seigneur lui laisse arranger cela maintenant. Pourquoi? Il dit, je n'aimerais pas avoir des ennuis à la rivière. Autrement dit, tout ne finit pas quand l'homme meurt. Ça ne finit pas là-bas. Car il est écrit dans cette Bible, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. Ce que craignait cet homme de couleur, ce n'est pas tout simplement le fait de mourir, mais c'est qu'il y avait un jugement qui l'attendait après sa mort. Et c'est à cela que chacun de nous doit nous attendre. Et il continue, il dit, j'aime ça. Je pense que cela exprime mieux ce que je cherche à dire. Parlons-en maintenant, afin que nous n'ayons pas d'ennui à la rivière. Car vous ne pouvez pas revenir à ce moment-là, voyez-vous? Soyons davantage sûrs maintenant même. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a laissé en vie jusqu'à aujourd'hui. Dieu voulait nous laisser cette occasion afin que chacun puisse faire l'introspection et savoir quelle est sa manière de vivre dans les choses de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui cloche entre lui et Dieu, qu'il puisse arranger cela maintenant. Car nous ne sommes pas de ceux-là qui croient qu'il y a un purgatoire. Il y en a qui disent, dont leurs doctrines disent, oh, si vous mourrez, on appellera des prêtres, des gens comme cela, ils feront des messes de requiem, on va intercéder pour vous, et Dieu va vous faire sortir de l'endroit où vous seriez pour vous mettre encore à un endroit sûr. Cela est faux. Celui qui a fait écrire cette parole est fidèle. Quand vous mourrez, ce sera trop tard. C'est pourquoi ici, lorsque nous venons de lire, le prophète insiste, il dit, vous ne pouvez plus revenir. C'est maintenant, mon frère, ma soeur, que chacun doit savoir quelle est sa position spirituelle. S'il y a quelque part où il ne va pas bien, bien, kama anaona pala pendeke mzuri, arrangeons cela maintenant. Tuitengeneze sasa hivi. Si mon frère a un problème qu'il cache à sa femme, kama nduko yako na mambo anamficha mke wake, et si la sœur a quelque chose dont elle dit que si je disais ça je perdrais le mariage, kama dada yako na mambo ile anasema ni anajua nikisema watanifukuza bukweli, mais maintenant, lakini sasa hivi, Dieu nous effraie cette brèche, Mungu anatufungulia mlango, afin que chacun en profite. Ili kila mmoja apate kuifaidia. Mon frère, nduku yangu, ma sœur est là, ton épouse. Dada yangu mke wako eko ma sœur, dada yangu, votre mari est là. Bwana yako na yeye. S'il y a quelque chose qui cloche entre vous et lui, kama kuku kitu akiendeke katikati yako, c'est maintenant qu'il faut arranger cela. Ni hapa sasa ndio pa kutengeneza. Kwani lorsque vous mourrez, wakati ukikufa, il n'y aura plus le chemin de retour. Hakutakuwa tena njia kurudia. Or, au moment que nous vivons encore, wakati ile tungariki bajima, que nous devons chercher un avocat, ndio ile tunapaswa kumtafuta mtetezi, et le plus sûr que je connaisse, na mtu wa hakika mimi najua, un vrai avocat que je connaisse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous arrangeons notre vie maintenant, bien sûr que oui, il sera de notre côté. Et je lis au paragraphe 12b. Ainsi donc, comme Jésus a dit à ce grand chef, vous devez naître de nouveau. Pourquoi dois-je donc naître de nouveau? Voilà ce que j'aimerais savoir. Si je suis un ministre de l'Évangile, si je suis une personne de bien et que je paie mes dettes, je suis juste et honnête. Je marche de façon convenable devant les hommes. Qu'est-ce que Dieu peut m'exiger de plus? Pourquoi dois-je avoir une expérience particulière? Comme les gens me le disent, que je dois naître de nouveau? Pourquoi Jésus a-t-il dit à ce chef qui menait une vie de haute moralité? Sainte et qui lui était ordonné de naître de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez n'avoir pas de dettes. Vous pouvez être un homme de bien dans votre quartier ou dans votre avenue. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est une autre chose. Et voyez ici, comme les Écritures nous le disent ici, cet homme Nicodème, il n'était pas chef parmi les nations. Il était chef dans la nation sainte. Arkwa chef katika taifa takatifu. En Israël. Mu Israël. C'était quelqu'un d'honorable. Arkwa mutu mheshimiwa. Quand même il pouvait traverser les avenues de Jérusalem ou ailleurs. Wakati roka natembea barabara ya Yerusalem na fasi nyingine. Tout le monde pouvait le saluer avec respect. Batu bote barianza mulamkia na heshima. Comme nous voyons d'autres personnes aujourd'hui. Vile tunaona watu wengine leo. Qui sont des représentants légaux quelque part. Weko wasimamizi fasi fulani. Ou des prêtres, que sais-je encore. Wala wa Vous les avez constatés. Quand on les salue, bonjour mon père, et ils répondent avec une voix ecclésiastique. Bonjour. C'est comme s'il était supérieur, c'est comme s'il portait tout le ciel. Bonjour représentant. Bonjour. C'est comme s'il répondait aux petits enfants. Mais cet homme Nicodème, malgré les honneurs qu'il avait, il était un homme respectué. La Bible le dit sans interpréter. La Bible dit qu'il était chef en Israël. Mais cet homme Nicodème n'a pas considéré ce qu'il était en Israël. Il n'a pas considéré son rang qu'il occupait en Israël. Un chef. Un grand religieux en Israël. Malgré tout le respect qu'on lui donnait, lui, en lui, il savait qu'il manquait quelque chose. Il voyait un trou profond dans son âme. Il savait qu'il manquait la vie éternelle. Alors, cela l'a fait aller au devant de notre Seigneur de nuit. Il s'est humilié. Il n'a pas considéré ce qu'il était. Puisqu'il a réalisé que le respect que les hommes me donnent ne me donneront pas la vie éternelle. C'est alors qu'il s'est humilié et qu'il est allé auprès de Jésus pour s'enquérir ce qu'il devrait faire pour entrer dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Et que si je continue encore à lire, il dit ici, au paragraphe 13, je lis là en bas, trois dernières phrases, il dit ceci. Si vous n'êtes donc pas né de nouveau, vous n'êtes toujours pas sauvé. Voilà donc. Vous voyez, c'est au milieu du chemin. C'est là que nous devons nous tenir. Au paragraphe 14. Ce que vous êtes, c'est que le calvinisme. C'est que c'est la grâce. C'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Et il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et maintenant, écoutez. Mais ce que sont les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu en appréciation de ce qu'il a fait pour vous par la grâce. Voilà toute la réponse. Et puis, Si je suis sauvé, kama nisha okolewa, alors je vis comme un sauvé. Basi ntaishi sawa mwenye kokolewa. Mais je peux vivre comme un sauvé, alakini nawezi kuishi sawa mwenye kokolewa, sans être sauvé. Bila mimi kuokolewa. Les choses se compliquent maintenant. Binakuwa nguvu sasa. Quelqu'un peut vivre comme quelqu'un qui est sauvé, mutu anawezi kuishi sawa mwenye kokolewa, alors qu'il ne l'est pas. Japo asia okolewa. C'est quoi ça? Wana, ce sont les présomptions. Vous pouvez présumer que vous êtes sauvé alors que la chose est passée par-dessus vous. Mais la meilleure chose à faire, c'est d'être sûr maintenant. Et le seul moyen de savoir que vous êtes sauvé, c'est en observant votre manière de vivre. Si vous avez fait l'expérience de la nouvelle naissance, et il dit encore ici au paragraphe B, le même paragraphe, mais l'expérience de la nouvelle naissance montre ce que nous sommes. Amen. Si vous êtes né de nouveau, cela va se montrer. La nouvelle naissance, vous ne pouvez pas la cacher. Vous pouvez cacher l'argent. Vous ne pouvez jamais cacher votre nouvelle naissance. Votre vie va vous trahir. Vous pouvez vivre en présomption, pensant que je suis sauvé, alors que vous ne l'êtes pas. Cela ne veut pas dire que je crois dans le fait de crier, okay, et dans toutes les manifestations et les démonstrations de l'esprit. Je rentre encore. Je crois dans toutes les manifestations et les démonstrations de l'esprit. Et pourtant, ce n'est pas encore la chose. Voyez-vous, c'est autre chose. Il s'agit d'une nouvelle créature. Quelque chose dans le cœur. Amen. La nouvelle naissance, c'est quelque chose dans le cœur. On ne peut pas présumer. Il faut que vous en ayez l'expérience. Et il faudrait que cette expérience soit vraie et conforme à la parole de Dieu. Aujourd'hui, partout ailleurs, Il y a des gens qui ont chanté, qui ont crié, qui ont prêché comme des anges. Et qui aujourd'hui, ce sont des carcasses sans force. Vous pouvez les rencontrer quelque part. Et quelqu'un peut vous dire, la personne que vous voyez là-bas était prédicateur dans les messages. Et maintenant, vous les voyez aujourd'hui plongés dans la boisson. Vous les voyez aujourd'hui plongés dans l'adultère. Et vous pouvez voir la même personne faisant des choses que vous ne pouvez plus admettre. Pourquoi? Il est devenu une carcasse sans force. C'est ce que nous évitons, mes frères. Nous devons être sûrs maintenant, car notre Seigneur nous le dit, comme il l'a dit ici à Nicodème. Il lui a dit, vous ne pouvez jamais voir même le royaume de Dieu si vous n'êtes pas né de nouveau. Si on peut lire dans Matthieu chapitre 7, ils ont fait ça. Pour bien comprendre ce que le prophète dit ici, nous pouvons manifester certaines démons, nous pouvons montrer quelques manifestations spirituelles, comme si on était né de nouveau, ou certaines démonstrations de l'esprit, tels que parler en langue, prophétiser, interpréter, toutes ces choses-là, c'est tout à fait différent avec la nouvelle naissance. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, nous lisons ce qui suit. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Le Seigneur ne dit pas, n'avez-vous pas menti à mon nom? C'est quelqu'un qui se tient debout, il prophétise, et ce qu'il aura prophétisé, ça s'accomplit. C'est lui qui le dit ici. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu vous bénisse. Toutes ces manifestations de l'esprit sont bonnes. Mais premièrement, nous devons passer par l'expérience de la nouvelle naissance. Et dans la brochure de 1961, paragraphe 46 à 50, le prophète nous raconte l'histoire des frères Lee. Chaque fois, les frères Lee discutaient avec les frères Branham en ce qui concerne le vrai baptême. Et le frère Branham lui disait que le vrai baptême, c'est le baptême au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Lee disait, moi je vais garder néanmoins ce qu'il a dit. Vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme ils discutaient chaque fois, un jour ils ont eu l'opportunité de passer nuit ensemble. Et Lee fit un rêve. Dans son rêve, il était engagé comme entrepreneur pour construire une maison d'autrui. L'homme lui a laissé son plan. Lui est resté construire. Il venait à peine de terminer sa construction que le propriétaire de la maison vint. Et lui dit, j'ai terminé la construction. Le propriétaire a regardé ce qu'il a fait. Il lui a dit, akamwambia, donne-moi un peu mon plan. Unipatie mapu yangu. Il lui a remis le plan. Akampatia mapu yake. Il a trouvé qu'il a modifié beaucoup de choses. Aliona kwamba alibadilisha vitu mingi. La fenêtre qui devait se trouver de ce côté, dirisha alipashi kuweka ingambo, lui l'a mis dans une autre position. Ye anaiweka ngambo ingine. D'après son entendement. Kufuatana na kuona la chambre qui était ici, chumba ile ilikuwa hapa, il l'a mise à une autre place. Akaiweka fasi ingine. Selon son propre gré. Kufuatana na il a vraiment kwake. Modifié le plan que lui avait donné le patron. Dirisha mapu ya mwenye nyumba yeye alimpatia. Et le patron lui dit, na mwenye nyumba akamwambia, monsieur, si vous voulez que je vous paye, kama unapenda nikulipe, démolissez tout, upomone byote, et recommencez à zéro, na wanzulule. Et en ce moment-là, le rêve le quitta. Pale ile ndoto ikamalizika. Alors le matin, asubuhi, il dit à Frère Branham, akamwambia ndugu Branham, voici le rêve que j'ai fait. Ona ndoto ile nalilota. Et le Frère Branham lui dit, ndugu Branham akamwambia, monsieur, il n'y a pas interprété. Hakuna kia kutafsiri. La rivière est là. Pardon? La rivière est là. Muto yo ile. Fais-toi tout simplement baptiser. Wende tutukubatize. Et l'y compris. Na li arielewa. Ils allèrent ensemble avec le frère Branham. Bakaenda pamoja na là, il est baptisa au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na pale akambatiza mujina Bwana Yesu Kristo. Et après qu'il fut baptisé, kisha kubatiziwa, l'y dit ceci. Li akasema, je ne voudrais pas qu'il y ait une démolition ce jour-là. Mishipende ile siku bapomone. Oui, mes frères et mes sœurs, Dieu a son plan pour avoir la vie éternelle, pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons passer à coup sûr par la nouvelle naissance. C'est là qui cherche à être sauvé d'une autre manière. Ils seront désappointés. Dieu a déjà tracé son plan. Tout celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu, il doit commencer par la nouvelle naissance. Et mes frères et mes sœurs, il y a deux choses. Lisons un peu dans Romains chapitre 5 avant de continuer. Comme je vous l'ai dit, je me baserai uniquement sur les sujets. L'obligation biblique, l'obligation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et selon les titres que nous avons ici, vous devez naître de nouveau. Nous lisons dans Romains chapitre 5. Nous allons y prendre quelque chose. Depuis le verset 12. Nous lisons ceci. C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Écoutez maintenant verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais maintenant au verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Maranga pibale baradapokea neema kupitia za zawadi ya uwaki itatawala mbujima kupitia Yesu Kristo yeye peke yake. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, sawa vile kupitia kosa ya mtu mmoja na hukumu ilitawala watu wote. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Hivyo hivyo kupitia tendo moja ya uhaki na kuhesabiwa haki kwa buzima kutashika watu wote. Okay, nous allons lire les derniers versets, les 19e verset après. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Selon ce que vous venez ce que nous venons de lire, mes frères. Fatana na ile tunatoka mkusoma watu. Nous remarquons ceci. Tunaona hii. Nous soutirons des choses. Tuna bamba mobitu biwili. Par la première naissance. Kupitia kuzalika kwa kwanza. Nous tous ici nous avons été nés. Shibote tulizaliwa. Nous avons été nés en étant en état de pécheurs. Tulizaliwa sa batenda zambi. De menteurs. Ba danganifu. Non pas que nous l'ayons voulu. Aina sema tuliipenda. Par la première naissance, kupitia kuzaliwa kwa kwanza, nous avons été nés en dehors de notre propre volonté. Tulizaliwa inje ya mapenzi yetu sisi wenyewe. Nous n'avons pas été là quand nous avons été conçus. Atukue kwa wakati walituchugua mumimba. Ok. Mais nous sommes retrouvés sur la terre. Sasa tunajikuta pa dunia. Ce n'est pas nous qui avions voulu que nous soyons nés. Garçon ou fille. C'est quelque chose qui s'était passé comme cela. Mais est-il que ce n'était pas par notre propre volonté? Donc, par la première naissance, nous avons été nés indépendamment de notre propre volonté. Et comme nous le lisons ici, par la première mort, nous sommes condamnés par représentation. Comme nous le lisons ici, ce n'est pas nous qui avions péché là, mais comme nous descendons d'Adam, nous sommes condamnés en Adam. Et tous nous mourons en Adam. Donc, par la première naissance, nous avons été nés indépendamment de notre propre volonté. Nous ne sommes pas des responsables. Et même par la première mort, nous ne mourrons pas parce que c'est nous qui avions péché, mais nous mourrons parce que nous descendons d'Adam. Donc nous avons été condamné par représentation. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et maintenant encore, le docteur Paul écrit. Huyu nabi, mwalimu Paulo anaandika. Nous sommes encore justifiés. Tunahesabiwa haki tena. Par un seul homme. Kupitia mtu mmoja alisimamia. Ce n'est pas par notre propre force. Haina kwa nguvu yetu wenyewe hapana. C'est par la grâce de Dieu. Ni kwa neema ya Mungu. Qui nous a envoyé Jésus-Christ. Je parle à tout mien Jésus-Christ. Celui-ci nous a fait quitter du royaume des ténèbres. Alitutosha mufalme ya giza. Et nous sommes ainsi entrés dans le royaume de la lumière. Na tunaingizwa mufalme ya nuru. Ce n'est pas par notre propre volonté ou par notre propre force. Haina kwa mapenzi yetu wala kwa nguvu yetu wenyewe. Écoutez une seconde chose, mes frères. Ayant été condamné par représentation, maintenant nous sommes sauvés gratuitement. Et le Seigneur nous a frayé une voie. Quand nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est écrit comme ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant, sasa, ce n'est pas par notre propre force, c'est par la grâce de Dieu. Maintenant, Jésus sasa, a pris notre place. Nous qui étions condamnés, sisi bale tulikuwa wenye kukumiwa, mais nous devions passer par la seconde mort. Tulipashi kupitia sasa pa mauti ya pili. Aussi longtemps que nous sommes ici, wakati ile tuko hapa, nous sommes des tombes, n'est-ce pas? Tuko makaburi, haina vile. Autant nous sommes, autant le nombre de tombeaux. Ce n'est pas de cela que nous disons. Dans la chair, nous mourons tous. Mourir, oui. Mais Jésus nous a donné le pouvoir de sortir encore des tombes. Lorsque lorsque nous sommes nés de nouveau, car il est écrit, vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru au nom du Fils de Dieu. Nous ne vivons pas éternellement dans ce corps aujourd'hui. Jésus nous a rendu libres de la seconde mort. Que Dieu vous bénisse. C'est en cela que nous louons notre Seigneur. Je vais un peu enjamber quelque chose. Vous savez, mes frères, nos parents ne nous ont laissé rien de bon. Nous avons été nés enveloppés d'une tare d'hérédité. Ce qui veut dire que toutes les mauvaises habitudes qui étaient dans nos parents, par le sang, ces choses nous ont été transmises. Et nous avons été alors des incapables. Or, des fois quelqu'un peut se vanter. Il pourra dire, la colère avec laquelle vous me voyez ici, moi je ressemble à mon père. L'autre va dire, moi je ressemble à ma tante. Nous ne devons pas nous vanter de cela. Tout ce que nous avons hérité de nos pères. Écoutez comment Pierre appelle cela. Dans 1 Pierre. Allons un peu vite, mes frères. La nouvelle naissance est la chose merveilleuse que Dieu nous propose. Ne nous vantons pas des choses de caractère mauvais que nous avons héritées de nos pères. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, il est écrit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Wenye kujua ya kwamba aina kupitia bitu bya kuharibika kupitia feza wala zabu njo mulinunuliwa toka maisha yenu mbaya, matabia yenu mbaya ya kuishi ile muliiriti bazazi yenu. Et j'ai lu encore une autre version de Jean-Claude Margot, il dit ceci, que vous avez été rachetés de la manière insensée que vous avez hérité de vos pères. Okay. Ne nous vantons pas, mes frères, puisque nous héritons la colère de nos pères, puisque nous avons hérité l'ivrognerie de nos pères. Ce sont des choses insensées, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a lieu de le louer, lui qui nous a délivrés. Et quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre, dans Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, nous lisons au verset 12, nous lisons ce qui suit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mumu shukuru baba ula nimifanya kwa na uwezo ya kushiriki kuriti ya watakatifu ndani ya nuru. Jusque là, premièrement, on s'arrête. Ici, c'est Saint Paul qui écrit à nos frères Colossiens. Il leur avait écrit disant, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Nous étions des incapables, mes frères. Nous avions des habitudes, des caractères que nous avons hérités de nos parents, auxquels nous étions incapables de nous en détacher. Là où nous avons échoué, peut-être c'était la boisson, peut-être c'était l'adultère, peut-être c'était quoi que ce soit, nous étions tellement incapables. Mais Dieu, par sa grâce, nous a rendus capables. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on dit louons le Seigneur, nous le louons. Si ce n'était pas lui, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Il nous a rendus capables alors. Pendant que nos parents ont conseillé, ils ont échoué. Mais un seul est venu de la gloire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est descendu de la gloire et il nous a rendus libres. Et il nous a fait capables que nous puissions entrer dans le royaume de la lumière. Et ce n'est pas fini. Écoutez au verset 13. D'après Louis II, il écrit ceci. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Ok, c'est très bon. Mais quand je lis encore cette édition-là dont je vous ai parlé, Jean-Claude Magua écrit, il nous a arraché de la puissance de la nuit. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour l'interprétation. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a arrachés. Amen. Amina. On ne peut pas arracher quelque chose qui est facile. C'est-à-dire, Manaki, nous étions enracinés dans le péché. Mizizi, les uns étaient enracinés dans la boisson. Les autres étaient enracinés dans l'adultère. Les autres étaient enracinés dans la colère. Les autres étaient enracinés dans l'adultère et beaucoup de choses, dans des fétiches. On a conseillé, on a échoué. Nous nous trouvions ainsi dans le royaume des ténèbres, là où nous étions des incapables. Un seul homme est descendu de la gloire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a arrachés. Et ce n'est pas tout, mes frères. Après nous avoir arrachés, il nous a mis deux moyens de transport. Il nous a transportés. Nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ pour ça. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de la lumière. Au point que lorsque le diable vient, il nous cherche parmi les adultères. Nous ne sommes plus là. Alors il y a une œuvre majestueuse qui s'était passée. Lui, Jésus, est le Tout-Puissant. Il nous a arrachés. Nous avions fait nos efforts. C'était vraiment impossible de le faire, puisque nous étions des incapables. Alors lui, notre Dieu, nous a rendus capables par la mort de Jésus-Christ. Alors il nous a arrachés, il nous a amenés dans un autre royaume. Quand le diable vient nous chercher parmi les adultères, nous ne sommes plus là, puisque nous avons été amenés. C'est très difficile, frère, pour celui qui a été arraché de rentrer encore ici. Je ne sais pas s'il y a des jardiniers parmi vous. Si vous enlevez les choux de la pépinière, vous les arrachez de là et vous les mettez dans d'autres plates-bandes et que vous commencez maintenant à les arroser, ces choux ne feront pas le miracle de sortir de la plate-bande pour venir se planter encore de ce côté. À moins que vous les ayez laissés là-bas. Mais notre Seigneur n'a rien laissé de nous dans le monde. C'est pourquoi même dans Romains il est écrit, nous ne sommes plus redevables. Oh, que Dieu soit loué. Il a payé toute la dette. Nous étions des ivrognes. rien. Il a payé la dette. Il nous a arrachés. Il nous a transportés. Et il nous a amenés encore dans un autre royaume. Au point que les choses de ce monde ne montent plus à nos cœurs. Puisque celui qui a fait cette œuvre à nous, il est le Tout-Puissant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Puisque nous sommes des personnes rachetées. Nous n'avons rien encore à voir avec les choses du monde. Puisque celui qui est puissant a déjà achevé son œuvre. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, mes frères, comme nous sommes sortis du royaume des ténèbres et que nous nous trouvions maintenant dans un autre royaume, c'est impossible que les choses de ce monde reviennent encore à nous. Pourquoi? Parce que celui qui est puissant a déjà opéré ces miracles. Oui, bien sûr. Un homme qui est né de nouveau, il est un miracle aujourd'hui. Même ceux-là qui le connaissaient, rien qu'à le voir aujourd'hui, ils doivent voir un grand changement. Ils lui diront, c'est impossible. Cet homme, on ne pouvait pas croire qu'il deviendrait ce qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il est transporté d'un royaume à un autre. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur pour cela. Et maintenant, comme nous l'avons dit, la nouvelle naissance, cela c'est une obligation. La nouvelle naissance, pour la nouvelle naissance, chacun parmi nous est interpellé par cela. Chacun de nous a une responsabilité. Ce n'est pas à quelqu'un de te dire que vous devez être né de nouveau. C'est maintenant nous, parce que Dieu a déjà frayé le chemin. Maintenant, à l'aide de cette parole, lorsque nous la recevons, maintenant cette parole entrant en nous, elle fait l'œuvre en nous, elle nous transforme et nous devenons de nouvelles créatures. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, il y a des choses qui s'opèrent en lui. Premièrement, il aura la certitude du salut en lui. Ce n'est pas au prédicateur de te le dire. Des fois, ce n'est même pas au berger de te le dire. C'est toi-même qui sentiras cela. Vous aurez en vous, quand même vous souffrez, quand même vous êtes malade, vous saurez que je suis sauvé, puisque cette assurance sera en vous. Et secondement, vous allez sentir la paix avec Dieu dans votre cœur, car vous serez libéré et vous allez aimer cette chair. Car lorsqu'on montrera ici, tout ce qu'on vous dira vous aidera à grandir. Mais quand vous n'êtes pas encore en paix avec Dieu, cette chair pour toi, ce sera chaque jour un jugement. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la nouvelle naissance, c'est une recommandation. C'est une obligation. Celui qui veut venir à Dieu doit procéder comme ce que Jésus a dit ici. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Je demanderai à quelqu'un de m'informer quand ce sera le temps. Encore combien? Encore 5 minutes. Que Dieu vous bénisse. Et dans sa prédication ici, le prophète dit que la nouvelle naissance, c'est un mystère. Et ce mystère se révèle. Celui qui vient à Dieu, Dieu va lui ouvrir une faille afin qu'il comprenne que la nouvelle naissance va me faire quitter de cette situation déplorable que je suis et me fera entrer dans la joie du Seigneur. La personne qui vient à Dieu doit sentir le poids du mal qui était dans son cœur. Pourquoi, mes frères? Le péché est oppressant. Zambi kuna songa. Oui. Dio. Le péché, c'est un poids. Zambi ni buzito. Ça nous pousse à faire des choses que nous ne voulions pas faire. Et chacun doit sentir ce poids. Maintenant, quand ce poids est enlevé du cœur, alors cela est remplacé par la paix avec le Seigneur. Je me souviens d'une des prédications de Frère Branham, il dit qu'un homme allait à la dévotion matinale et quand il montait une certaine colline, il a vu quelqu'un devant de lui qui portait un fardeau pesant au point qu'il marchait en titubant. Et quand il a rencontré cet homme qui portait le poids, il lui a dit: Monsieur, voudras-tu que je t'aide à soulever ce poids? Et cette personne lui dit: la charge que je porte ici, ce sont tes péchés. Et automatiquement, la personne a disparu. Pouvez-vous me faire? Le péché, c'est un poids. Maintenant, quand nous déposons ce poids devant la croix, sous le poids de Jésus-Christ, sous la croix de Jésus-Christ, effectivement, nous allons nous sentir libres. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, en introduisant notre sujet, nous reconnaissons que nous avons été condamnés par représentation. Et Jésus-Christ, notre divin Sauveur, par sa mort, il nous a délivrés. Et quiconque vient à Jésus doit maintenant marcher en nouveauté de vie. Et il doit se détacher de tout ce qui est nuisible et préjudiciable à sa santé spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour prier Dieu. Ma pendezi adunia se atama ne